Non, bah, bonjour à tous et à toutes. Et puis, merci pour votre présence pour cette doctorale, post-doctorale que nous avons intitulée Situation de Sartre. Dans la suite des doctorales que nous avions organisées en 2008 à Nanterre sur la pensée de Jean-François Lyotard et qui ont donné lieu à la publication d'actes chez Klingsic, on a apporté le volume. On avait souhaité donner une suite et nous avions cherché avec Marion, Jean-Michel Salansky et Christian Lazéry un auteur qui soit susceptible aussi de susciter l'enthousiasme, de fédérer. Et puis... d'offrir une actualité et puis la possibilité de questionnement un peu intempestif et qui peut-être voilà, donc c'est pour ça qu'on avait choisi de consacrer ces doctorales à la pensée de Sartre qui est souvent trop négligée en France dans les départements de philosophie, même si les choses commencent à changer, comme peut-être on l'a vu pendant les éditions du centenaire. J'en profite juste pour remercier les gens qui ont soutenu et qui ont permis l'organisation de ce colloque, l'école doctorale 139, les laboratoires de recherche, donc le Sophia Paul, l'IREF d'IPSA et le CREARFI. Bon, peut-être qu'on peut commencer, je crois, dès maintenant, en accueillant notre conférencier inaugural. Un ex-nanterrois, mais un sartrien de cœur, je crois, et qui est Emmanuel Barrault, et qui enseigne à l'université Toulouse-Le Mirail, et qui est rattaché au laboratoire du CRHI, et qui nous propose une conférence qui s'appelle « Entre Marx et l'URSS, Sartre ». Ben, je te donne la parole.